elle, juste pour toi. Juste que tu saches, je t'aime, je le sache. Ma fille, juste hier, à peine hier, j'étais loin d'imaginer que demain je deviendrais père. T'es trop petite pour comprendre l'immensité de la joie qui remplit mon cœur. Ma seule peine est que tu ne connaîtras jamais ton grand-père, mon père, ta tante, Rosette, dont tu portes le prénom, ma petite sœur. T'es trop petite pour comprendre ce que j'ai ressenti au fond de mon être le jour où t'es venue au monde. Dans mes tympans résonnent encore tes premiers cris, tes premiers pleurs. Ma fleur, t'es loin d'imaginer ce qu'on est pauvre, ta mère et moi. Quand t'entends dire tes premiers mots et te voir faire tes premiers pas. Oh, qu'il est beau ce monde, mais également bourré de crapules, 100 mètres carrés à la ronde. T'asampirika tu sandimboma, n'oublie pas qui tu es, aucune autre personne ne peut être toi. Hier tu es né, aujourd'hui je suis père. Chérie, car demain si t'es blessé, je te soignerai. Chérie, hier tu es né, aujourd'hui je suis en paix. Chérie, car demain pour te lever tout je donnerai. Je sais qu'un jour tu partiras. Qu'un jour, femme, tu deviendras avec celui qui aura fait vibrer ton cœur. Loin là-bas, tu partiras. Si Dieu, ce bon vieux, me donne encore un peu de temps à vivre, grand-père, je deviendrai. N'aie pas peur, toi, je serai fier. Je suis conscient pour mes petits-enfants, tu seras une bonne mère. Prends le temps de discuter avec ta progéniture. Explique-leur sans tabou ce que tu connais pour votre bien à tous. Parle-leur, parle-leur. Parle-leur du mot futur. Passe plus de temps en compagnie de ceux que t'aimes. Que toi-même tu verras l'harmonie qui régnera dans ta vie. Le jour où tu perdras le nord. Prie Dieu, t'appuie toi pas sur ton sort ma fille. Prie Dieu. Hier tu es né, aujourd'hui je suis père. Chérie, car demain si t'es blessé je te soignerai. Chérie, hier tu es né, aujourd'hui je suis en paix. Chérie, car demain pour te lever tout je donnerai. Quand viendra mon dernier souffle, je ne veux pas que tu pleures. Je ne veux pas que ton petit cœur d'ange garde des plaies qui ne seront pas faciles à cicatriser en bref. Je ne veux pas que tu souffres. Mets-moi juste une fleur ou deux. Au pire, fais-moi un sourire, ça me fera plaisir. Ce que je te demande n'est pas facile à réaliser, mais c'est ma dernière volonté, je veux qu'elle soit respectée. Hey, c'est quoi cette lame qui brille au fond de tes yeux? Sois pas triste, la vérité peut paraître rude. Laisse à toi d'être dur, d'affronter un corps perdu cette pourriture. Ne laisse pas borner par ta nationalité française. La couleur de ta peau ne facilitera pas tes affaires. Gère et pèse et là tu vivras à l'aise. Oui ma fille, prends-moi là, tu vivras à l'aise. Hier, tu es né,